immatriculé 396 DHW 95. Et blanc 396 DHW 95. Elle est devant. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، آداب طالب العلم. أمر الله سبحانه وتعالى العلم في كتابه وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أن لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه، قال: قل، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، ربي زدني علما. ما قال ربي زدني مالا أو زوجات أو الأولاد، لكن قال ربي زدني علما. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عبادة. وخلق الله سبحانه وتعالى العباد للعبادة. الله عز وجل a ordonné dans son livre d'apprendre la science. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache, apprends, sache qu'il n'y a nul digne d'être adoré en vérité qu'Allah. Il a aussi ordonné à son prophète عليه الصلاة والسلام de dire: ربي زدني علما. Ô mon Seigneur, augmente-moi la science. Il n'a pas dit augmente-moi le nombre de mes enfants, augmente-moi ma richesse, augmente-moi les biens de ce bas monde. Il a demandé le plus important, l'ilm. Zidni ilma, l'ilm nafi', la science profitable. Min kitabillah wa sunnati nabi alayhi salatu wa salam, bifahmi sahih. Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et le tout à une bonne compréhension. والثناء على العلماء في القرآن معروف. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله تبارك وتعالى a dit et a montré de nombreuses fois dans son livre et dans la sunna de son messager عليه الصلاة والسلام les éloges des savants. Et Allah عز وجل a dit selon le sens: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont qui? Ulama, les savants. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ilm. Al-ulama a'lamu min al-nas fi ma'rifati Allah azza wa jal, fi asma'ihi, fi sifatihi, fi af'alihi, fi ahkamihi, fi rahmatihi, fi kulli shay. A'lamu min al-nas. Les savants sont les plus savants des gens dans tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Dans les noms et les attributs d'Allah, ce sont les plus savants. Dans les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus savants. Dans ce qu'Allah a fait, ce sont les plus savants. Dans les règles d'Allah, ce sont les plus savants. Ce sont les plus savants dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges d'une chose dans son livre ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, cela prouve quoi? que cette chose-là c'est une ibadah. Que cette chose-là c'est quoi? Une ibadah. C'est une adoration. Plus Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une chose, cela prouve qu'elle est importante. Lakin al-ilmu talab al-ilm ibadah. Lakin kayfa hadhihi al-ibadah? Demander la science, c'est une ibadah. C'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, tu ne peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par deux conditions. Al-ikhlas lillahi azza wa jal wa al-mutaba'a, yani ittiba' an-nabi alayhi salatu wa salam. Maintenant que tu sais que cette science-là, apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, du livre d'Allah, de la sunna du messager alayhi salatu wa salam, c'est une adoration, alors tu dois mettre ces deux conditions dans cette adoration. Tu demandes cette science pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa thaniyan, tu apprends cette science sur le chemin du prophète alayhi salatu wa salam. Comme il l'a enseigné, tu enseignes. De la même manière qu'il a enseigné, tu enseignes. De la même manière que les sahaba radiallahu anhum, ils ont appris du prophète alayhi salatu wa salam, qui était leur professeur, tu apprends. Il n'y a pas une meilleure da'wah que celle du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Si tu fais de da'wah où tu apprends d'une manière différente que celle que salaf, ils ont appris, les pieux prédécesseurs. Si tu fais da'wah d'une manière différente que celle de Nabi alayhi salatu wa salam, c'est que tu considères que ta da'wah à toi est meilleure que celle de Nabi alayhi salatu wa salam. La yumkin. Ceci est impossible. Kayfa talab al-ilm. Adab talab al-ilm. Quel comportement doit avoir celui qui demande la science? Awalan, en premier. En premier. Hein? الإخلاص لله عز وجل الإخلاص قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah seul avec التوحيد avec l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى la religion d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام الإخلاص لله سبحانه وتعالى الإخلاص هو الأساس أساس الدين التوحيد القرآن كله التوحيد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها توحيد la base de la religion c'est la sincérité avec Allah سبحانه وتعالى tout le Coran tout le livre d'Allah c'est l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى Toute la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa limadha tatlub al-ilm? Limadha taqra al-kutub? Limadha tajlis fi al-masajid? Limadha? Pourquoi est-ce que tu lis des livres? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu viens t'asseoir dans les mosquées? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu vas voir l'ulama, les savants? Pourquoi tu t'assois à côté d'eux? Pourquoi tu leur poses des questions? Pourquoi est-ce que tu les écoutes? Limadha? Al-jawab? Al-ikhlas lillahi azza wa jal. Littaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Littaqwallah subhanahu wa ta'ala. Pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Plus tu vas apprendre la science, plus tu vas connaître Allah, plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu auras peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas espérer en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que tu lis des livres? Pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que tu lis le Coran? Pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Adab talib al-ilm ma'a Allah azza wa jal awwalan. Hada huwa at-tawhid. Comportement de celui qui veut étudier. Le premier des comportements qu'il doit soigner, c'est son comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. En premier. Beaucoup de gens tombent dans un piège en disant « Oui, mais un tel, il a un très bon comportement, il est gentil avec les gens, il est serviable, il est ceci, il est cela. » Payib. « Hal huwa yusalli salat fi waqtiha ?» Là. Et lorsqu'on pose une question « Est-ce qu'il prie ses prières à l'heure ?» On nous répond que non. Cet homme-là, il a un bon comportement avec al-makhluqat, avec les créatures d'Allah. Mais il a un mauvais comportement avec al-khaliq. Le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose que tu dois soigner chez toi, c'est ton comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es sincère avec Allah azza wa jalla avant de faire une chose? ماذا تريد؟ Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches dans cette dunya exactement au moment de lire le livre? Au moment de t'asseoir avec le savant? Au moment de t'asseoir dans la mosquée? Au moment d'écouter une cassette? Il a rire. Qu'est-ce que tu cherches? ماذا تريد؟ الإخلاص لله عز وجل. La sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. Le prophète عليه الصلاة والسلام a mentionné chaque acte ne vaut que par son intention. Chaque acte ne vaut que par son intention. C'est-à-dire النية عند السلف الإرادة. ماذا تريد؟ الإرادة. Le sens chez Salaf, quand ils disent la volonté, l'intention, c'est ce que tu veux exactement. Quelle est ton intention? Lorsque tu veux prier, c'est quoi ton intention? Lorsque tu veux faire une ibada, une adoration, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches exactement? قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان بين الحق والباطل, بين التوحيد والشرك, بين العلم النافع والعلم ليس بنافع. Allah عز وجل a dit selon le sens du verset, Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah عز وجل va vous donner le discernement. Le discernement entre le vrai et le faux. Le discernement entre ce qui est une science profitable et une science qui n'est pas profitable. Car il y a des sciences qui sont profitables comme il y a la science qui n'est pas profitable, et on y reviendra plus tard, inshallah ou ta'ala. C'est quoi shart, la condition ici? At-taqwa. Tu n'auras ce discernement entre le haq, bayna al-haq wa al-batil, entre le vrai et le faux, entre la science qui t'est profitable et la science qui ne t'est pas profitable, que par une condition. At-taqwa. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Et craignez Allah, et Allah vous apprendra. Toujours la même condition, c'est quoi? At-taqwa. La crainte d'Allah. Kalam Allah Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal te promet ici que si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, alors il t'apprendra. Yu'allimukum Allah. Il va vous apprendre. Il nous apprendra sa science. Fi asma'ihi wa sifatihi, fi kitabihi wa sunnati nabi alayhi salatu wa salam. Tu vas apprendre à connaître ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الآداب رفع الجهل عن نفسه وغيره ولكن أولا عن نفسك. Le deuxième comportement à avoir lorsque tu demandes la science et que tu veux étudier, c'est enlever l'ignorance qui est en toi. وثانيهم, deuxièmement et après seulement, après avoir étudié, après avoir compris, après avoir appliqué, tu pourras l'enlever chez les autres. Comment tu n'as pas nettoyé chez toi, tu vas les nettoyer chez le voisin. Comment chez toi, les gens ne jugent pas avec le Coran et la Sunna. Les gens ne sont pas sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas aller faire da'wah ailleurs, chez ton voisin ou ailleurs, ou je ne sais où encore. Kayfa. La première intention que tu dois avoir après l'ikhlas, après être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'enlever l'ignorance qui est en toi. Et dis-toi bien une chose, c'est que tu es plus ignorant que savant. N'oublie jamais ça. Tu es plus ignorant que savant. Et certains se croient plus savants qu'ignorants. Wal'iyadhu billah. C'est que ceux-là ne savent pas la quantité de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné sur ses créatures et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé lui-même. Wal'alim. N'oublie pas qu'Allah est il est savant en toutes choses. Allah Azza wa Jal ya'lamu kulli shay. Allah Azza wa Jal connaît toutes choses. Il fait toutes choses. Ce qu'il y a au fond de ton cœur et que personne ne sait, wa ya'lam. Lui, il le sait. Le moindre waswas qui vient te gêner dans l'ibadah, qui vient te gêner tout le temps par shaitan, il le sait. Wa ya'lamu ma kana. Allah Azza wa Jal sait ce qui s'est passé depuis toujours. Wa ya'lamu ma yakun. Il sait ce qui se passe maintenant, en tout lieu et en tout temps. وَيَعْلَمُ مَا سَيَكُونَ. Il sait ce qui va se passer, en tout temps et en tout lieu. Wala yakun kayfa yakun. Et encore plus loin. Allah Azza wa Jalla sait même que si ça s'était passé comme ça, si ça serait passé, comment ça se serait passé? Wal alim as-sami'u al-basir. Il est celui qui sait. Il est savant en toutes choses. قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء لا تعلمون شيئا. الله عز وجل a mentionné selon le sens des versets, il vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Ce verset il touche tout le monde, il touche tout le monde, حتى العلماء. L'imam Bukhari, rahimahullah, il est touché par ce verset. Il n'est pas né avec Sahih al-Bukhari. Il a étudié, il a fait des efforts, il a sacrifié sa vie. Tous les ulama qui ont appris l'ilm, qui ont sacrifié leur vie, ils ne sont pas nés avec la science qu'ils avaient. C'est une base. C'est que tu es né ignorant. Allah Azza wa Jalla nous a tous sortis du ventre de nos mères, nous étions ignorants. Nous ne savions rien. Lorsque tu vas lire un livre, مثلاً, ou même si tu t'assois à la mosquée pour écouter un dars, n'aie pas comme intention, lorsque tu entends la personne parler, ou bien tu as découvert des choses, des bienfaits dans la science, tu vas te dire tout de suite, « Ah, je vais le dire à un tel, ou je vais le dire à un tel, ou je vais le dire à un tel. » Ou bien lorsqu'on parle d'une marchia, d'un défaut, d'un péché, tout de suite tu penses à l'autre, et à l'autre, et à l'autre. Par exemple, si on parle sur le mensonge, tu vas dire, « Hada wal kadib. » Ah, celui-là, le menteur, là, je m'en souviens, tu sais, je vais aller le voir. Là, awwalan li nafsik. Pense à toi d'abord, akhi. À toi. Tu entends parler du kadib, du mensonge? Abstiens-toi de mentir. Éduque ta nef à ça. Lorsque tu vas lire un livre et tu vois le fawaïd, les bienfaïds, le shir, il a ramené une faïda dans son livre, ne t'empresse pas tout de suite. Ah bah tiens, je vais la noter comme ça, je vais la dire à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et toi, tu n'as même pas médité là-dessus. Taqra li nafsik awwalan. Tu lis pour toi d'abord. Tu t'éduques toi d'abord, après tu pourras éduquer les autres. Comme l'a mentionné Cheikh Al-Albani, rahimahullah, celui qui n'a rien, ne peut rien donner. J'ai rien, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je ne suis pas éduqué sur le Coran et la Sunna, comment tu veux que j'éduque mes enfants sur le Coran et la Sunna? Je n'ai rien, je ne peux rien donner. Je n'ai rien appris, je ne peux rien apprendre aux autres. Un troisième comportement à avoir, c'est de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kutub lafi. Les livres ne suffisent pas pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette défense de la religion, il faut qu'elle se fasse avec ses hommes. Et ces hommes, ce sont al-ulama, ce sont les savants. Un innovateur qui va lire un livre des gens de la Sunna, il va lire comme ça, il va lire, et lui-même il va essayer de répondre à tout ce qui est là. Il va essayer de corriger ce qu'a écrit le savant des gens de la Sunna, alors que lui c'est un muqtadir, c'est un innovateur. Il va lire, il peut parler, il n'y a personne pour répondre devant lui. Mais lorsque Ridyalul Ilm, les hommes de la science, l'ulama, sont en face, là il y a du répondant. Et il est connu parmi les salaf, rahimahumallah, qu'il défendait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les gens de l'innovation, contre les mauvaises croyances. L'une des intentions que tu as lorsque tu apprends la religion d'Allah, c'est de la défendre. Et de défendre ça, comme on va y arriver, inshallah ta'ala. Un autre comportement, et c'est ce qui met que beaucoup ramènent des problèmes à cause de ça, alors que les choses sont simples venant de la part des savants, et que beaucoup rentrent dans des choses où ils n'ont pas à rentrer, où il ne leur a été jamais demandé de rentrer là-dedans. Al-khilaf bayn al-ulama, la divergence entre savants. Qala Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-khilaf la yakunu sababan. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a dit, la divergence entre savants n'est pas une cause pour le fait que l'on soit ennemis les uns des autres. فالصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة وما قال أحد لغيره أنت مبتدع ما قال. Les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète alayhi salat wa salam, avaient des divergences entre eux dans beaucoup de choses, mais jamais l'un d'entre eux a traité l'autre d'innovateur, ne serait-ce que l'insulter ou ne serait-ce se moquer de lui parce qu'il avait une opinion différente, un avis différent. Or aujourd'hui on voit beaucoup, certains il a pris l'avis de tel savant, l'autre il a pris l'avis de tel savant, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à s'embrouiller et se séparer. واجب على طالبة العلم أن يكونوا يدا واحدة. Il est obligatoire à l'étudiant, aux étudiants en sciences religieuses, qu'ils soient comme une seule main. Une seule main. Même s'ils divergent dans des questions religieuses, ce n'est pas une raison pour s'insulter, pour se détester, pour se séparer ou autre mal que Shaitan vient ramener dans les rangs des musulmans. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم. Allah عز وجل parle à son prophète عليه الصلاة والسلام et il mentionne: et ceux qui se sont divisés dans leur religion, وكانوا شيعا, et qui ont été en groupe, en partie, لست منهم في شيء. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Les gens qui se divisent à droite à gauche dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des parties, tu n'as rien à voir avec eux. Jamais on n'a entendu Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah insulter Cheikh Al-Albani. Au contraire, elle l'a toujours défendu. On n'a jamais entendu Cheikh Al-Albani insulter Cheikh Ben Baz ou se moquer de lui parce qu'ils avaient des divergences. Comme la divergence lorsque je remonte du recours, est-ce que je mets mes mains sur ma poitrine ou bien je les laisse le long du corps? Est-ce que l'un a dit à l'autre, celui-là c'est un moubtadir? L'un. Parce qu'ils ont suivi les pieux prédécesseurs dans les divergences. Ils ne se sont pas séparés pour ça. Malgré leurs divergences, ils sont réunis. Ils sont restés unis. واجب على طالبة العلم أن يكونوا إخوة يختلفون السلف رحمهم الله في مسائل على قلب واحد وعلى المحبة. Les pieux prédécesseurs ont divergé dans des questions religieuses, mais ils étaient comme un seul cœur et ils s'aimaient entre eux. Al-hubbu fillah. Ils s'aimaient entre eux. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas du même avis. Bien sûr, ces divergences qu'ils avaient entre eux, elles restaient dans le manhaj, elles restaient dans une bonne compréhension. Elles ne sortaient pas des bases des gens de la sunna. Ils n'étaient pas dans le bid'ah. Ils étaient toujours à l'al-haq, sur la vérité. Mais ils ont divergé dans des questions. Tel sahabi a compris comme ça, un autre sahabi a compris d'une autre manière. Mais ils se sont toujours aimés fillah subhanahu wa ta'ala, pour Allah azza wa jal. Ils ne se sont pas disputés, ils ne se sont pas insultés. Aujourd'hui, subhanallah, on trouve un tel qui part sur un tel qui part sur un autre, etc., etc. Un tel essaie de séparer les gens contre l'autre, un tel essaie de diviser, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même avis que l'autre. Allah al-musta'an. Ittiba al-salaf, hatta fil khilaf. Tu dois suivre le salaf, même dans les divergences. Tu dois garder le bon comportement dans les divergences. Un autre comportement à avoir, al-ilm, na'am, walakin al-amal, al-amal ou bih. La science est une chose, c'est une grande chose, mais c'est aussi une grande responsabilité. Mais tu dois avoir ce qui va avec. Ces deux choses-là, sont, on ne peut pas les séparer. Al-amal. Agir selon cette science. Agir selon cette science. Pourquoi est-ce que tu apprends? Pour que les gens disent que tu connais? Hujjatun alayk. C'est une preuve contre toi. Tout ce que tu fais, c'est du batl. Ça ne sert à rien. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Pour avoir les éloges des gens? Là, tu dois appliquer cette science. Parmi les salafs, un élève demandait à son cheikh, apprends-moi encore, apprends-moi encore. Il lui a dit, subhanallah, si tu appliquais tout ce que je t'ai déjà appris, tu n'aurais même pas le temps de me demander de t'apprendre encore. Al-Fatiha, quelque chose de simple. Surat al-Fatiha. La Surat al-Fatiha, que tout le monde connaît. Tu la récites plusieurs fois, dans la prière et dans la journée. Est-ce que tu appliques cette Fatiha, cette Surah, est-ce que tu l'appliques? Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rahman Rahim, Malik Yomiddin. Ça, est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu connais ces noms d'Allah, Rahman Rahim? C'est quoi? C'est quoi la différence entre Rahman et Rahim? Malik Yomiddin, est-ce que tu sais c'est quoi Malik Yomiddin? Yomiddin, c'est quoi? Alhamdulillah, Alhamd, la louange est à Allah. C'est quoi la louange? C'est remercier, c'est quoi la différence avec la louange? C'est quoi? Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yomiddin, Iyaka na'budu, wa Iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, al-ibada, l'adoration. Pourquoi est-ce que Allah a osé la mentionner? C'est toi seul que nous adorons. Puis après, juste après, c'est toi, c'est de toi dont on implore le secours. Alors que le secours fait partie de l'ibada. Est-ce que Iyaka na'budu n'aurait pas suffi? Si Allah a osé la continuer en disant wa Iyaka nasta'in, c'est qu'il y a une raison. Al-Isti'ana, est-ce que tu l'appliques lorsque tu n'es pas bien, lorsque ton cœur est malade? Est-ce que tu appliques ça? Al-Isti'ana, est-ce que tout de suite tu cherches le refuge auprès d'Allah ou auprès des gens? Comme il a mentionné Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, lorsque ton cœur est malade, la tadhhab ila an-nas, walakin iqra al-Qur'an. Ne va pas vers les gens, mais lis le Qur'an. C'est ça le tawhid. C'est que dans tes réactions, le cœur il va directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'unicité d'Allah. Lorsque tu as eu peur tout d'un coup, tout le monde a eu peur ici. Lorsque tu as eu peur, est-ce que c'est Kalam Allah qui est sorti? Est-ce que c'est Allah, subhanallah, Allahu Akbar? Le Nabi alayhi salat wa salam, lorsqu'il était étonné, il disait Allahu Akbar ou bien subhanallah. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche à toi? Est-ce que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien une insulte ou je ne sais quoi? Kayfa qalbuk? Ton cœur, comment il est ton cœur? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est rempli de tawhid? Ou bien est-ce qu'il est rempli des choses de dunya et qu'ils te serviront à rien au moment de mourir? Wali'adu billah. Al-ilm wal-amal. An y'amala at-tarib al-ilm bi'ilmihi aqidatan, ibadatan, wa akhlaqan, wa adaban. Ici, il a ramené une phrase très importante qui est l'étudiant en science doit appliquer sa science aqidatan, dans la croyance. S'il apprend l'aqida bifhem al-salaf salih, l'aqida tout sahiha, il doit l'appliquer, cette aqida. Il a appris qu'il ne faut avoir peur que d'Allah, qu'il n'ait peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appris qu'il faut espérer en Allah, qu'il espère en Allah. Il a appris qu'il faut adorer Allah azza wa jal, qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appris les noms et les attributs d'Allah, qu'il les applique ces noms et ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatan, tu as appris comment faire la prière selon la sunna du prophète sallam, applique cette science que tu as appris sur la prière, fais la prière comme tu l'as appris. Fais la prière comme tu l'as appris. Jeûne le mois de Ramadan comme tu l'as appris. Celui qui apprend comment faire salat et ne fait pas salat, ça ne lui sert à rien cette science. Celui qui apprend comment jeûner et il ne jeûne pas, là il y a une faire. Cela n'est pas profitable. Tout ce que tu apprends dans la science, applique-le. Wa akhlaqan wa adaban, dans les comportements. Wa mu'amalat, dans les relations avec les gens. Tu as appris que le Nabi alayhi salat wa salam s'amuse avec les enfants? Joue avec les enfants. Le Nabi alayhi salat wa salam tirait la langue aux enfants pour jouer avec eux. Il souriait. Lorsqu'il voyait un vieux, âgé, il s'asseyait avec lui, il discutait avec lui. Aujourd'hui, on voit les jeunes, ils sont à droite, et les vieux, ils sont à gauche. Et les jeunes ne veulent pas aller vers les vieux. Kayfa? Tu dois respecter les plus âgés que toi. tu dois les aider, leur demander s'ils ont besoin d'aide. Comme tu dois aider les plus petits que toi. Et les aider, s'amuser avec eux, les occuper. Tu as appris que Salaf, ils étaient comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'appliques pas? Pourquoi est-ce que tu n'appliques pas? Al-amal, samaratul ilm. Les actions sont les fruits de la science. Ce ilm que tu vas apprendre, et que l'on apprend tout le temps, il doit y avoir des fruits de ça. Les fruits, ce sont les actions. Si tu prends l'ilm, tu prends, et on voit que ton comportement n'a pas changé, alors tu as de grandes questions à te poser. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que la prière éloigne le fahsha wal munkar des turpitudes et des péchés, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a expliqué ce verset en disant: si Allah azza wa jalla a prescrit que la prière éloigne de la turpitude et des péchés, comment cela se fait-il qu'en faisant la prière tu continues à faire les mêmes péchés et les mêmes turpitudes? C'est qu'il y a un problème. Cela veut dire que tu dois corriger ta prière. Tu ne la fais pas assez bien. Peut-être que ton intention, elle n'est pas bonne non plus. C'est pareil pour l'ilm. Si tu apprends mais tes comportements n'ont pas changé, c'est qu'il y a un problème. Aïn al-amal. Les actions, elles sont où? Tu apprends, tu lis, tu t'assois, tu vas à la mosquée, tu vas à des cours, tu parles avec les frères, mais rien n'a changé, subhanallah. Ou bien certains changent quand ils sont avec des frères ou des sœurs avec des sœurs, mais dès qu'ils rentrent au foyer, annahu shaytan, c'est un diable, il a tout oublié. Ceux qui méritent le plus ton intention et que tu sois là pour les aider, ce sont tes proches. Comme il a mentionné Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qui est là lorsque tu ne vas pas bien, lorsque tu as des soucis, lorsque tu es énervé, lorsque tu es triste? C'est ça Dunya. Ne croyez pas que Dunya ça va être beau tous les jours. Dunya, quelquefois c'est bien, quelquefois c'est pas bien. C'est comme ça. Le Jannah, il se mérite. Et il faut patienter. Alaykoum salam wa rahmatullah. Qui est là pour t'aider? Az-Zawja. Ta femme, elle est là pour t'aider. C'est elle qui est là tous les jours avec toi. Et c'est elle qui te connaît le mieux. Pour ceux qui ne sont pas mariés, Ummuk, ta mère. Ta mère ne dort pas tant que tu n'es pas rentré chez toi. Elle se demande où tu es. Il est où? Elle dort pas, elle se soucie tout le temps. Mais toi, tu trouves le moyen de mieux te comporter avec les autres qu'avec tes proches. Alors que ceux qui ont le plus de droits, Allah tabaraka wa ta'ala a certes mentionné plus de droits à tes parents, puis ta femme et tes enfants, puis les autres. Al-ilm wa al-amal. Al-amal fi kulli makan wa zaman. Appliquer cette science en tout temps et en tout lieu. Fil aswaq wa fil buyut wa fil masajid. Fi kulli makan. En tout temps et en tout lieu, tu dois appliquer cette science. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien laissé dans son livre et dans la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Tu as tous les comportements à avoir avec chaque forme de personne. كيف مع الكافر مع المشرك مع المنافق منافق مع المبتدع مع الفاسق مع الاخ والام والاب الى اخره. Chaque comportement avec chaque personne et avec chaque lieu a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement il faut les apprendre. On ne se comporte pas avec un frère qui est sur l'obéissance à Allah comme un frère qui est sur la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se comporte pas avec sa mère comme on se comporte avec son frère. Tu ne vas pas te comporter avec ta femme comme tu te comportes avec ton enfant. Chacun a des droits et chacun a sa place. On ne se comporte pas avec un savant comme on se comporte avec quelqu'un de la masse. On ne se comporte pas avec un hakim, un gouverneur, un roi ou un président comme on se comporte avec quelqu'un de la masse. Ce n'est pas pareil. Thumma ad-da'wa. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كن داعيا إلى الله عز وجل في كل مكان وزمان. Après avoir appris, compris et appliqué, prêche. Prêche en tout temps et en tout lieu, selon ce que tu peux. Bima istata'ta. Selon ce que tu peux, selon ce que tu as appris et selon ce dont tu es certain. Al-ilm al-yaqin, la science et la certitude. Comme on va y revenir après, il est hors de question de prêcher du qil ou qal. Il a été dit, je crois, je pense, je m'en souviens plus, je crois que c'est ça, etc., etc. Là, al-ilm al-yaqin, la science et la certitude. Tu es chez toi, prêche à ta femme, prêche à tes enfants. Tu es au travail, prêche à ceux qui sont au travail avec toi. Ce n'est que des hasanettes pour toi. Chouf al-ulama, rahimahum Allah, wa hafidahum Allah, les savants de nos temps et ceux qui viennent de mourir, ils prêchent. Cela signifie que tous ceux qui les écoutent vont appliquer ce que ces savants ont prêché. Cela signifie que le savant a la récompense de tous ceux à qui il a prêché, de tous ceux qui ont propagé ce qu'il a propagé, de tous ceux qui ont appliqué ce qu'il a propagé. Ce savant-là. Ce savant-là, il a pris d'un autre savant. Et d'un autre savant. Si tu vois aujourd'hui, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, tous les grands savants, tous les grands ulama qui sont encore vivants de notre temps, ils ont pris des savants dans, ainsi que ceux qui sont morts, rahimahumallah, comme Cheikh Ben Bel, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, ils ont pris des savants d'avant, qui ont pris d'avant, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahimahumallah, qui ont pris d'autres avant encore, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, qui ont pris encore d'avant de Tabi'a Tabi'in, wa Tabi'in, qui ont pris de Sahaba, qui ont pris de Nabi alayhi salat wa salam. Regarde la récompense du prophète alayhi salat wa salam. À chaque fois que tu fais la prière, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mais lui, il est sauvé. Mais nous, Allahu a'lam. Tu propages, c'est une science qui est profitable et c'est quelque chose qui est profitable pour toi après ta mort. Ce que tu as propagé à un tel et qu'un tel l'a propagé à l'autre, à l'autre, à l'autre, ce ne sont que des hasanats, fil dunya wal akhira. Hatta fil qabr. Même dans la tombe, les hasanats continuent d'augmenter car c'est l'ilm nafir, c'est une science profitable que tu as appris aux gens et que tu as propagé. Mais si tu as propagé une erreur sans la vérifier, alors là c'est une preuve contre toi. C'est pour ça, avant de propager, de bien apprendre, de bien vérifier ce qu'on apprend, de bien appliquer ce que l'on apprend, de bien comprendre ce que l'on apprend. Être sûr de ce que l'on apprend, puis après on pourra le propager. Wal-hikmah fi da'wah. En propageant, il te faut la sagesse. L'exemple que tout le monde connaît, ce bédouin qui est rentré dans la mosquée, qui a uriné dans la mosquée. Les sahabas sont énervés, le prophète alayhi salat wa salam a mentionné de purifier cette urine avec de l'eau. Et il a bien mentionné juste après que les mosquées ne sont pas faites pour ça, mais elles sont faites, les dhikrillah wa salawat, elles sont faites pour le rappel d'Allah et pour les prières, etc. Chouf al-hikmah. Il lui a enlevé une chose et il lui a ramené une autre chose. Lorsque tu apprêches à quelqu'un, on sait que la nefs elle n'aime pas les bonnes choses. Lorsque tu enlèves quelque chose à quelqu'un, tu vas lui enlever le munkar, tu vas lui enlever un mal, il faut remplacer par du bien. Sinon il va avoir un manque. Ici le Nabi alayhi salat wa salam, qu'est-ce qu'il a formulé à ce bédouin? Uriner dans la mosquée, ça ne se fait pas. Il lui a enlevé un munkar. Ça c'est un munkar, il lui a enlevé. Tu n'urines pas dans la mosquée, c'est pas fait pour ça. Mais il lui a remplacé par bil khair, par un bien. Qui est quoi? Mais les mosquées sont faites pour prier, pour le dhikr, etc., etc. Ça, le ulama a expliqué que c'est une hikmah dans le da'wa. Lorsque tu enlèves quelque chose à quelqu'un, il faut lui remplacer. Il faut lui remplacer ce manque que sa nefs elle va ressentir. Toi-même tu le ressens lorsque tu apprends qu'une chose elle est haram et tu ne le savais pas, ça y est, il faut t'abstenir, il faut t'arrêter. La nefs elle a l'habitude de faire cette chose-là. Tu as l'habitude au fond de toi de faire cette chose-là, mais là il va falloir arrêter. Pourquoi? Parce que c'est un munkar, c'est haram, ou bien c'est instable, donc il faut arrêter. Donc là, tu vas ressentir quoi? Un manque. Et c'est là qu'il faut remplacer par autre chose. On n'interdit pas comme ça aux gens et on les laisse comme ça. Akhi, ne va pas par là, taqillah. Là-bas, c'est un chemin qui mène au feu. Fit balal, ila balal. C'est un chemin qui mène à l'égarement. Allez, salam alaykoum. Je vais où? Aïna? Aïna, azhab. Je fais quoi maintenant? Je vais où? Faut pas aller par là. L'autre, il me dit, faut pas aller par là. L'autre, il me dit, faut pas aller par là. Je vais aller où, subhanallah? Tu ne vas ni par là, ni par là, mais tu vas par là. Ittiba salaf. Tu suis les pieux prédécesseurs. Tu suis le prophète, alayhi salatu wa sallam. Voilà le chemin du paradis. Il y a beaucoup de chemins qui mènent au feu. Donc interdire aux gens de prendre ces chemins qui mènent au feu, oui, mais il faudrait peut-être leur montrer le chemin qui mène, le droit chemin, le chemin qui mène au paradis. Comme tu veux pour toi, tu souhaites pour l'autre. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي قال له لا تغضب. Il lui a dit une fois le prophète صلى الله عليه وسلم à un compagnon, il lui a dit conseille-moi, il dit ne t'énerve pas. Il lui a dit trois fois. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ne t'énerve pas? Il aurait pu lui dire autre chose. Arrête de mentir, arrête de tricher, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, arrête. Non, il lui a dit la tardab, ne t'énerve pas. Il faut comprendre une chose, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, il le connaît. Chouf al-ahwal, regarde l'ahwal, les circonstances dans lesquelles se trouvent les gens avant, au moment où tu leur fais le da'wah, au moment où tu vas les conseiller. Il lui a demandé un conseil, il lui a dit ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet homme-là est quelqu'un qui s'énerve tout le temps. Voilà pourquoi il lui dit la tardab. Et on trouve beaucoup de hadiths où les sahaba sont venus voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils lui ont dit conseille-moi. Et à chaque fois, il a dit quelque chose de différent. Ou bien à chaque fois, on lui demande quelle est l'œuvre la plus méritoire. Et à chaque fois, il conseille quelque chose de différent. Comment est-ce qu'on va faire avec ces hadiths? Tout simplement, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, qui a le hikma dans le da'wah, qui a une sagesse da'wah, il sait quoi répondre et à qui répondre, il sait comment répondre à la personne, il la connaît, il sait le manquement qu'elle a, alors il lui dit fais ça, ou bien arrête de faire ça. Quelqu'un qui ne s'énerve jamais, tu ne vas pas lui dire la tardab. Quelqu'un qui ne s'énerve jamais, il est connu pour être calme et posé. Tu viens et te dis conseille-moi la tardab. Ben, subhanallah, je m'énerve jamais, subhanallah. Qu'est-ce que tu veux chose de plus? Tu veux dire autre chose? S'il est connu pour tricher, arrête de tricher. Arrête de mentir. Il a rire. Et c'est la preuve qu'il est demandé de demander conseil. Ne crois pas que tu vas avoir les choses tout seul. Ne crois pas que tu peux avancer tout seul. Combien de gens se sont égarés en avançant tout seul? Ils croient qu'à eux-mêmes, ils peuvent trouver tout. Tout seul. Shaitan ma'al wahid. Le diable est avec celui qui est seul. Il le waswas, il lui donne des ailes, comme on dit. Il lui fait croire qu'il a un bon niveau. Il lui fait croire qu'il peut trouver des choses tout seul. Il lui fait croire qu'en lisant le livre d'Allah, il peut trouver tafsir tout seul. Ah, ça veut dire, mashallah, je vais le dire au frère. Oh, tu vois ce qui va t'arriver. Tu crois que yawm al-qiyamah, tout ça c'est la hasanat, en vérité c'est sayyat. Parce que tu n'as pas appliqué le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il ne t'a jamais été demandé de trouver des choses tout seul. Ça c'est le ulama qui te ramène ça, le fawaid, tafasir, l'explication du Coran, ahadith. Combien, subhanallah, ils ont lu des ahadiths du prophète sallam, ils se sont précipités à le propager aux gens. En vérité, il apprend plus tard, il entend un shirk qui dit, subhanallah, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit aux gens. Ben maintenant, il va falloir rattraper ces gens-là et leur te corriger. Et faire tauba. On ne propage pas comme ça. On ne donne pas des conseils aux gens comme ça, sans savoir. Des gens qui donnent des conseils dans le mariage. Akhi, je te conseille, franchement, c'est mieux que tu divorces. Masha'Allah. Les enfants, c'est qui va s'en occuper? C'est toi? Ce sont des choses qui arrivent, qu'on entend. Au lieu de diriger vers les gens de science, hatta l'ulama, comme Cheikh Al-Albani, rahmallah, quelquefois, ils ne répondaient pas à ces questions de mariage. Ils disaient, allez voir le qadi, allez voir le juge. Les juges, ils ont l'habitude de ça, ils connaissent. Allez voir le juge. عالم من أهل السنة إمام المحدثين في هذا الزمان dans notre temps un savant du hadith il répond pas à une question comme ça mais toi mashallah tu es connu en France في بلاد كوف tu réponds tu donnes le jawab tu donnes la réponse et sans frisson sans rien du tout tranquillement à l'aise je te conseille tu divorces c'est mieux je connais nta même nta tu es qui. Mais le contraire avec son contraire, quelquefois ce sont les gens qui répondent, mais quelquefois ce sont les gens qui vont poser les mauvaises questions, qui vont voir les mauvais gens pour poser les questions. des questions sur le talaq, sur le divorce, ne va pas voir un tel ou un tel. Va voir le ulama, appelle. Alhamdulillah, il y a le téléphone maintenant. Alhamdulillah, on peut. Tu peux faxer, tu peux téléphoner, tu peux même téléphoner à un frère qui téléphone. Et il te donne le fatwa. Et c'est ça qui t'a été demandé. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل dit à son prophète عليه الصلاة والسلام selon le sens du verset, appelle sur le chemin de ton Seigneur avec la sagesse, avec un bon discours, et discute avec eux d'une bonne manière. Aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils parlent aux gens, ils crient. Qui va accepter, subhanallah, tout le monde se connaît, qui va accepter qu'on lui crie dessus? Qui va accepter qu'on lui crie dessus? Personne. Personne n'accepte qu'on lui crie dessus. Lorsque tu dois corriger quelqu'un, lorsque tu dois lui faire la prêche, ne lui crie pas dessus. Parle-lui tranquillement. Laisse-le parler, parle, chacun son tour parle. Combien de discussions on voit autour de nous où on n'entend même plus l'autre parler et ça s'énerve et jusqu'à ce que même parfois on en arrive aux mains, on les